Chapitre 17. Dans la matinée du lendemain, une voiture s'arrêta devant Coat Bay. Un hindou, assis près du chauffeur malais, descendit, sonna et présenta une enveloppe domestique en disant « Veuillez remettre ceci à M. Dourzen. » Hervé, dans la salle à manger, commençait la lecture de son journal. Il ouvrit l'enveloppe et parcourut le courbillet ainsi conçu. « Je voudrais vous parler, mon cousin. Ma voiture va vous conduire à Kermazinc. Avec l'assurance de mes meilleurs sentiments, Dougal de Penansquet. » Comme Hervé demeurait là, fort perplexe, la carte à la main, Madame Dourzen, qui venait de voir la voiture, entra précipitamment. « Qu'est-ce, Hervé ?» Quand elle eut pris connaissance du billet, elle déclara « Il faut y aller. »« Tu crois? Qu'a-t-il à me dire ?»« Tu le verras bien. Sans doute veut-il te parler de Gwen. Arrange cette affaire-là pour que nous n'ayons pas d'ennui. J'ai bien compris qu'Émile ne verrait pas d'un bon œil une histoire dans la famille. Ils sont pas mal collés-montés chez les Chevignon. Alors, si Dougal est disposé à faire régulariser son mariage civilement, donne-lui toute facilité pour le faire. Mais que dira Ivor ? Ah, tant pis, je ne veux pas avoir d'ennui à cause de lui. C'est déjà assez désagréable, la mort de ce Willy, qu'il prétendue un serviteur de Dougal. J'espère qu'on ne découvrira rien du tout de ce côté. Allons, habille-toi vite et pars. » Une heure plus tard, Hervé revenait du château, la mine moins soucieuse qu'au départ. Dougal l'avait bien reçu. Il s'agissait, en effet, comme le pensait Blanche, d'épouser civilement Gwen pour se mettre en règle avec la loi française. Il lui avait fallu montrer la copie de l'acte du mariage religieux célébré à Pavala. Tous deux étaient convenus que le mariage civil aurait lieu dans 3 semaines. « Mais où est Gwen ? » ?»« Il ne me l'a pas dit. »« Tu ne le lui as pas demandé ?» J'y ai fait une allusion. Il m'a répondu en souriant ironiquement. « Elle n'est pas loin d'ici. »« C'est tout ?»« C'est tout. Ce jeune Penansquet ne dit que ce qu'il veut et l'on comprend aussitôt qu'il est inutile d'insister. »« Oh, j'aurais bien su le faire parler, moi !» grommela Blanche. Elle s'en alla aussitôt recommander au domestique de répondre qu'elle et M. Dourzen étaient sortis si le comte Ivor de Penansquet se présentait. Vers ce même moment, des serviteurs de Dougal, ayant creusé une fosse dans un coin du parc, y déposaient le corps sans vie de l'homme satanique qui s'était complu dans le mal. Ils tassèrent dessus de la terre et s'en allèrent, le laissant là comme un maudit. D'autres, pendant ce temps, confectionnaient pour Madame de Penansquet un cercueil avec les panneaux de cèdre autrefois rapportés d'Orient par un ancêtre de Dougal. Celui-ci, aidé d'Ajamil, y coucha la morte que Sanda avait revêtue d'un de ses costumes hindous et parée d'étincelants joyaux. La tombe était creusée près du petit temple hindou, non loin du parc. Ajamil, Vous et 2 autres serviteurs y portèrent le cercueil sur lequel la fidèle Sanda, ravagée par la douleur, jeta des brassées de fleurs. Gwen, au bras de son mari, pleurait silencieusement car elle avait aimé cette femme mystérieuse qui, toujours, avait été bonne pour elle. Avec son mari, elle revint vers le château. Maintenant, il n'y avait pas besoin de se cacher. Dougal dit avec émotion « Nous devons beaucoup à ma tante. Je lui dois ta vie quand elle m'avertit du danger que tu courais à Pavala et la mienne, car si elle ne m'avait écarté pour se mettre à ma place, c'était moi qui vous atteignais. Que Dieu la reçoive en l'éternelle paix !» dit Gwen en levant au ciel son regard fervent. 3 semaines plus tard, M. Dourzen, en qualité de maire de Lesmélingue, procéda aux formalités du mariage civil. Il fut passablement étonné en voyant, près de Gwen, sa cousine Herminie. « Mais oui, c'est moi, mon cher !» dit-elle en lui souriant narquoisement. « Gwen m'a demandé d'être son témoin et j'ai accepté avec joie car j'ai la plus grande sympathie pour elle. »« Ah, je croyais que vous ne la connaissiez guère. »« Je la connais très bien au contraire et je puis dire que sans moi, ces 2 jeunes gens ne se seraient probablement jamais rencontrés. » Ce propos, rapporté par Hervé à sa femme, car à son secret dépit, elle n'avait pas été invitée à Kermazinc, l'intrigua fortement. Elle en chercha en vain l'explication. Ce fut mademoiselle Herminie qui la lui donna quelques jours plus tard en lui apprenant son départ avec Dougo et les Gwen qui allaient s'embarquer sur leur yacht à destination de Pavala. « Mais enfin, je ne comprends pas du tout, ma cousine, cette intimité. Ces chers enfants me sont très reconnaissants de les avoir fait connaître l'un à l'autre. Comment ? Je ne vois pas. » « Mais oui, ma bonne, c'est moi qui ai prêté à Gwen le costume hindou de mon arrière-grand-mère pour qu'elle puisse se rendre à la fête masquée de Kermazinc. »« C'est vous ? C'est vous qui ?» Blanche paraissait prête à suffoquer de stupéfaction. « Hein ? N'était-ce pas charmant ? Et n'ai-je pas bien réussi ?» dit mademoiselle Herminie avec un petit rire sarcastique. Là-dessus, voyant que la surprise ou la colère coupait momentanément la parole à Madame d'Ourzen, elle s'en alla, ravie de sa petite vengeance. Le surlendemain, le beau yacht blanc, qui était venu mouiller près de Kermazinc, appareillé, emmenant Dougal, qui, pour un temps, allait redevenir prince d'Orient, et sa chère princesse, enfin délivrée de leur infernal ennemi. Debout sur le pont, ils tenaient leur regard attaché sur Kermazinc et tous deux songeaient à celle qui reposait près du temple hindou, la princesse Nourmal, victime d'Ivor, elle aussi, sa dernière victime.